بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحديث السابق الذي أخذناه يعني رابع، من الراوي؟ كي لو رابورتور دوني حديث؟ نعم سيد عبد المسعود. في كم وقت يجمع خلق الإنسان في بطن أمه؟ كم أنت؟ أولا نطفة، الجلد الثاني، ثم علقة، الأديرانس، تمام، كيو كما كيو الصم، ثم مضغة، أبوتشير، ثم يأتي الملك ينفخ فيه الروح، إلى يكري les choses qui sont liées à sa vie. ما هي؟ نعم. هذا هذا الحديث يبين لنا شيئا من مسألة القدر، تسكن زعيب زيتيب قدستيني. وحكمة هذا الحديث، القاعدة الكبرى التي يستفاد من هذا الحديث لهذا الماجر، إنما الأعمال بالخواتم، إنما الأعمال بالخواتم. لذلك نبارك على الأخفة تسوغا ريسفتي سور الحل دون لكل تشويمار مهما فعلت من قبل سابقا، فينظر إلى ما كنت عليه عند موتك. تفاس توت تبي دون كفر يا فون مورير ما سيراس كان انستون tu te soumis à Allah aujourd'hui sincèrement, tu seras resté comme un mu'min. Et tu as passé toute ta vie dans l'islam et tu as stadda a'udhu billah apostasie ne seras qu'un instant de mourir, tu seras resté sur ta ridda. Regarde pas ce qu'il a été avant. Car les gens vont dire il a fait. On dit regarde sur quoi il est mort en dernier. طيب ندخل اليوم في الحديث الخامس، سكم حديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. دوك عائشة la mère des croyants a dit رضي الله عنها que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Wa fi riwaya li muslim man amila amalan laysa lahu amruna fa warad. Celui qui fait une œuvre sur laquelle qui n'est pas basée sur notre législation, celle-ci est rejetée. Ummu mu'minin Aisha, c'est la mère des croyants, car toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ummahat al-mu'minin. Wa kunyat bi Umm Abdillah ma anna laysa laha walad. أي من غير سكونيا أنا فان أنفا مما يدل على أن يتكني لا يلزم منه يعني الولادة تشبع بان كونيا فان أنفا. مثلا النووي كونيته أبو زكريا ليس له زكريا par exemple. Après différentes raisons ont été données pour cette كونيا pourquoi c'est Mou Abdillah. المهم كونيت بهادي الكنيه. Donc il rapporte ce hadith qui est très important. في شأن البدعة. في شأن البدعة. Qui touche l'innovation. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. Donc c'est-à-dire celui qui a innové dans notre affaire, c'est-à-dire notre religion. Ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Donc quelqu'un qui est venu avec une chose sans précédent en religion. والبدعه ما هي شرعا البدعه هو كل ما احدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تمام وليس على الدليل من الكتاب والسنه وقصد به التعبد. C'est-à-dire tout ce qui a lieu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme acte ou même parole n'étant basé sur aucune preuve provenant du Coran ou de la Sunna par laquelle on cherche l'adoration, la dévotion, par laquelle on cherche الأدوراسيون يعني التعبد. وهذا التعبد قد يكون من قصد العابد وقد يكون مما نص عليه الدين. Car des gens vont faire des choses, on dit, Akhi, ce que tu fais là, c'est bid'a. Il a dit, pas vous, faites l'adoration, moi, en faisant ça. Mais cet acte-là, en islam, c'est une ibadah. Donc, même si tu n'as pas envie de faire une ibadah, l'islam dit que cette chose que tu fais là, a le hukm d'une ibadah. Donc, sans vouloir, toi, te rapprocher par Allah Azza wa Jal, par cette chose-là, tu vas innover. Misal dhalika, misalan, les fêtes que l'on fait, autres que l'a'yad, misal Eid, al-fitr, وعيد الأضحى نود عيد كنا يعني principal العيد parce qu'il y a d'autres choses qu'on appelle العيد aussi en islam mais bon on parle de celle-ci. هذه عبادة فهم c'est ça que Allah nous a légiféré comme عيد هذا عيدان. Quelqu'un qui vient faire un عيد qui à la base n'a pas d'origine en religion, anniversaire, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin. Aujourd'hui, ils arriveront à faire jusqu'à Masmohada. Halloween, A'ouz Billah, Halloween, la fête des morts. La fête des morts. Jour de l'an. Tu vois, toutes ces fêtes-là. Kullu hada, hukmuhu, bid'ah. Kullu, a'yaduna, snan. On a deux Eid, c'est tout. Le reste, parce que le Eid, c'est yutlok ala maza, le fait de faire une chose pour une occasion particulière qui se répète. Donc, on dit, شرط مهم dans البدعه على وجه التعبد. Cette chose que tu fais qui n'a pas de dalil, le but c'est l'adoration. Car, بعض الناس, ils تقول له فعلك بدعه. Parce que je fais ces bid'ah, il va dire, bah, le micro que tu prends là, c'est bid'ah aussi. Il n'y avait pas à l'époque que tu prends. Je dis, le micro lui-même, c'est une wasila, c'est un moyen. Mon azan, avec le micro pas, je vais le faire à l'azan. Je suis imam, micro pas, je vais le faire. C'est juste un aide à ce que ma voix soit portée. Sans le micro, ça, c'est pas une condition. J'en ai pas besoin du micro. C'est juste un moyen. Comme ma voiture pour aller au masjid, comme mon téléphone pour appeler ma mère, ou pour lire un livre. Même pour, exemple, tu vas repasser le Coran avec ton jawel, tu peux aujourd'hui. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. T'as ce tenté. Tu vois, c'est une bid'a. Tu prends le jawel pour faire ton Coran. Je dis non, ce qu'il y a là, c'est le Coran. Le jawel en lui-même, c'est un support. C'est tout. Donc quand quelqu'un te dit ça, c'est une chose que le Nabi Sallam n'a pas connue, on dit c'est une chose dunya, mondaine, qui n'est pas visée, on ne vise pas par là l'adoration. C'est un moyen, c'est tout. Ah, mais la chose que je fais en elle-même, je la fais comme il l'a fait le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pour que les affam takoun yani salima. Fahadal hadith bayinnana annama ja'a على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا c'est rejeté. Ce qui nous ramène aux deux conditions أساسي لقبول العمل. الحديث الأول الذي أخذناه إنما الأعمال بالنيات. Donc ça c'était quoi l'ikhlas? Première condition, l'ikhlas. Que ton عمل tu veux Allah Azza wa Jal. On dit que si jamais ton عمل tu cherches autre que Allah Azza wa Jal, même si c'est ce qu'il y a de plus sunnah au monde, mardoud, rejeté. Wa'adan, chose de thani, had al-hadith. Que ton amel, pas qu'il soit mukhl, à l'ikhlas, an yakun bil muta'ada'a. Qu'il soit conforme à l'enseignement prophétique. Car tu peux avoir un amel, tu peux te mukhlis des hommes dedans. Si jamais tu veux qu'une bid'a, elle sera rejetée. Elle sera rejetée. Donc, la bouddha jama'a l'amrain. À l'ikhlas, à muta'ada'a. Sans quoi l'acte, que tu le fasses une fois ou je ne sais combien de fois, ma alekshi. Ou al-ashab bin zalik, an-nalazi li sabi mukhris fi ibadati, kod yakun al-amel nafsu fakat mardoud, ou kod yakun al-shas rudda an l'islam. Par son manque d'ikhlas, il peut être mushrik de façon générale, si jamais c'est de riya akbar, ou il peut être son action peut être rejetée, si jamais c'est du ashar. Riya Ashar. D'accord? Fait la bid'a, كذلك. La bid'a, elle peut te faire sortir de la sunnah, si jamais tu la répètes, et qu'on t'a expliqué, comme tu l'as dit, on t'a montré que ce que tu fais, c'est bid'a, et tu continues quand même. C'est-à-dire, tu adores Allah Azza wa Jal avec ce qui n'a pas légiféré, tu sors de la sunnah. Tout comme la bid'a en elle-même peut être rejetée, sans que toi tu sors de la sunnah, par نيوارو تابع كنت بعمل أنت فهمت فهما مثلا سقيما جانبا عن الصواب تكون ما كبخين مسألة أو حديث شو لما نبكي مثلا أسي خطأ يكون الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Bon, le Seigneur ne nous prend pas parce que nous avons oublié, nous sommes trompés, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès. À ce moment-là, on dit, Tayyib, ton acte est rejeté. D'accord ? Ton acte est rejeté. Mais toi, après ça, tu ne recommences pas. Car, le mushkila fi yadil bid'ah, c'est pas seulement qu'elle ait rejeté l'acte, c'est qu'en plus tu prends un péché. L'an al-bid'ah, muharrama. Al-bid'ah, muharrama. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wa muhdathati al-umur. Fa'inna kulla bid'atin dalala. Il prenait garde aux choses nouvelles, car chaque innovation est un égarement. Il y a qu'Allah Azza wa Jal, فَلْيَعْظَلُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ وَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, qu'ils ne soient atteints par une fitna ou par un dur châtiment. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit les bid'ah. Donc en la faisant, un ta'asim. وَهَذِهِ الْبِدْعَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ. Elles sont de deux catégories. Celle qui est مُفَسِّقَةٌ ou celle qui est Mukaffira. Mufassiqa, ce qui te rend pervers, ne sort pas de l'islam. D'accord ? Ce que tu as fait là est une bid'a, mais ne te sort pas de l'islam. Comme les bid'a, il y en a plein. T'as le Maulid Nabawi, par exemple. Le Masbaha, la Salane, ou les Zikr, Jama'i, les gens qui font les askar en cœur, avec la. Tous ensemble. كذا بدعة كثيرة سا سنتصف بها الإسلام ستفسق أما المكفرة سين بدعة كي تصور بالإسلام مثلا تفعل شيئا تريد بذلك وجه الله التقرب إلى الله لكن وقعت فيه ما هو كفر أو الشرك كم par exemple تواف دي توم أو دعاء غير الله لكي يتوسط لك عند الله que tu invoques le wali de la tombe, le wali d'après toi, pour qu'il ils intercèdent pour toi auprès d'Allah Azza wa Jal. T'as invoqué un mort, t'as fait du'a, c'est du'a lillah faqat. Un tas d'a'a toi, ghayr Allah. T'as fait quoi à ce moment-là ? Le shirk. Mais toi, ton cause, c'est quoi ? C'est une ibada ? Tu veux Allah Azza wa Jal, au final. Mais t'as pris ce qui n'est pas un intermédiaire comme un intermédiaire. Donc t'as fait du shirk, il y en a un du'a, ibada, lillah faqat. Tu as le message d'Allah, fala tadou ma'allah ahada. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة donc ça c'est l'adoration donc toi t'as fait quoi t'as pris une chose qui était pour Allah tu l'as mis pour autre qu'Allah bien que tu voulais Allah Azza wa Jal mais t'as innové donc cette bid'a là au final te fait tomber dans le shirk akbar tu sors de l'islam والأمثلة كثيرة الأمثلة لذلك كثيرة donc bien comprendre cette chose importante la fork bainna البدعه لغه وشرعا tout ce qui est qu'on voit là actuellement là qu'on a cité comme exemple c'est s'appelle bid'a lakin fil lugha linguistiquement parlant c'est pas dans la législation le kamis qu'on a par exemple commencé là c'est bid'a nabi ça ne portait pas ça comme un bouton ici avec les poches comme ça avec le col comme ça la rigide il y avait pas les lunettes bid'a il y avait pas à leur époque pas que je sache Sa'a, les montres, il n'y avait pas. L'oratel, c'était bid'a, tout ça. Mais elles sont permises. Chose de dunya. Tout ce qui vient de la dunya, c'est la règle à prendre. Ma'adja, les dunya, elles aslofihi al-ibaha. Chose de la dunya, là-bas, c'est que tout est permis. Comme on a dit Ta'ala, ou Allahi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Donc maintenant, toute chose sur terre est permise tant qu'on n'a pas un délit qui dit que c'est interdit. Ada. Lakin al-ibada, c'est le contraire. Toute l'ibada est interdite. Elle offre l'ibada, elle mane. Tu ne peux faire une ibada si tu n'as pas un dalil pour dire que tu peux faire ça comme ça. Il y a une ibada tawqifiyya. Elle donne un texte. Il y a qu'Allah Azza wa Jal. Amelahum shuraka shala'u min ad-din ma lam yazan bi illah. Ont-ils des associés qui leur ont permis en religion ce que Allah ne leur a pas permis. Et le hadith te le prouve. Donc toi, quand tu fais une ibada, quand tu fais ça pour Allah, tu dis ce que je fais là, il faut que j'ai un dalil de ce que je fais. Sinon, je ne le fais pas. Et des gens, ils se mélangent, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Quand on dit, ah, qu'est-ce que tu fais, c'est bid'a. Tu vois, il dit, j'ai fait quoi j'adore Allah. Dieu n'adore pas Allah comme on veut. Tu vois. Après, ils jadent. Parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de choses, ce genre de règles. نعم. Et toute bid'a, il n'y a pas de bid'a hasana, tamam, ou sayya. Kullu bid'a, sayya. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va prendre le hadith de Al-Hirbat, qui va dire kullu bid'a tin dalala. Toute innovation est également. Kull, à la mine, al-fadl al-umum, les choses qui sont générales. Il n'y a pas d'istisna. Il n'y a pas d'exception. On n'a aucune. La dilegue autre à côté, il y a qu'Allah Azza wa Jal, ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله شأن وساءت مصيرا. Ceux qui ont fait scission avec le messager et les croyants que nous allons détourner comme il s'est détourné et nous allons l'emmener en enfer avec une mauvaise destination. C'est-à-dire que toi tu as pris une voie autre que celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba avec ta bid'a. Hein? Tu as pris une autre voie qu'eux. Tu t'es divisé. Et la bid'a, elle amène à diviser. السنة تجمع والبدعة فهم فرقة contrairement à ce que les gens disent cette bid'a nous unit elle ne nous unit pas c'est pas vrai elle vous unit entre vous entre mubtadi' mais elle vous divise des gens de la vérité de la sunna et le mortaba le manhum elle est sunna c'est pas vous et dans quelques temps vous allez vous diviser vous aussi ou à ne pas dire c'est une petite bid'a c'est une petite bid'a on dit كل بدعة صغيرة تكون كبيرة فيما بعد hadith مثلا قصة أصحاب بني Hanifa, qui faisait le tasbih avec le petit caillou. Quand Ibn Masoud, il les a blâmés. Ils ont dit, innama natakarab ilallah bizalik. Innama nulud bihi khayran, ya Abba Abdurrahman. Wale kem mulud il khayla yusibo. Combien veulent le bien, n'arrive pas à l'atteindre. Vous voyez que leur niya, elle était bonne. Il leur a dit, votre acte, il n'est pas correct. Ils n'ont pas écouté. Résultat, ils se sont trouvés où? Chez qui après? Chez les Khawarij, à combattre les Sahaba. Ça a commencé par un petit caillou. Ça a fini comment? Dit les sahaba. Car ils n'ont pas écouté la nasiha. Ils n'ont pas écouté la nasiha. Comme ça veut dire également le hadith de Adin al-Nasiha. Donc, cette bid'a, malheureusement, est une chose qui démontre ton manque d'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu aimes le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu le suis. Et tu fais ce qu'il dit. Et tu délaisses ce qu'il a interdit. On l'a pris dans la shahada de Mohammed Rasulullah. Wa tasdiquhu fima akhbar. On croit en ce qu'il a informé. Ta'atuhu fima amar. On obéit dans ce qu'il a ordonné. Wa ijtinab ma nahaa anhu wa zajar. Et qu'on délaisse ce qu'il a interdit et réprimandé. Wa annahu la yu'badu Allah illa bima shara. Qu'on ne peut adorer Allah que parce que lui a légiféré. C'est-à-dire lui, par la révélation qui lui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui ne vient pas ça, son ashhadu anna Mohammed Rasulullah. Il y a un khalal dedans. Il y a un problème dedans. Il n'a pas compris. En même temps, il a compris. Il a un problème dedans. Tahqiq a dit shahada, yulzam minha ittiba' al-sunnah. Yulzam minha ittiba' al-sunnah. Comme tahqiq, la ilaha illallah, yulzam minha al-ikhlas. Yulzam minha al-ikhlas. Ça t'impose d'être sincère. Et Cheikh Fawzan a cité un bait de Ibn Mubarak qui dit لو كان حبك صادقا لا تعطه إن المحب لمن يحب مطيعه. Qu'il a dit que si jamais ton amour pour lui, c'est-à-dire pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il prétend faire cela par amour pour lui, il dit, si ton amour pour lui était véridique, tu l'aurais obéi. Car celui qui aime quelqu'un, il lui obéit. Celui qui aime quelqu'un, il lui obéit. Mais ça l'aide, quelqu'un, il dit, je suis avec ma femme. Ma femme elle-même. Mais dès que je lui fais quelque chose, elle fait rien de ce que je lui dis. Elle m'obéit jamais. On dit, je vois pas où est l'amour. Qui est là pour toi. Je lui dis cuisine, elle dit non. À Salem. Je lui dis fais telle chose, elle me dit non. Elle me dit je veux sortir, je lui dis non, sors pas. Elle sort quand même. Elle me dit je veux faire telle chose, je lui dis non. Elle le fait quand même. Je lui dis ma femme, elle m'aime. Je lui dis il faut revoir la notion de l'amour. Tu vois. Parce que l'affaire de l'amour, tu le vois à travers. Il y aura toujours un khalal, personne n'est parfait, tu vois. Mais quand tu vois quelqu'un qui désobéit tout le temps ou qui fait tout le contraire de ce que tu lui dis, tu lui dis c'est pas une preuve d'amour. Mais ça l'aide, quelqu'un il dit moi j'aime ma femme. Préza Alec. Et je vais lui faire un cadeau. Je vais lui ramener du chocolat. Et sa femme, elle déteste le chocolat. Tous les jours avec du chocolat. Ya Habibati, halalak. Elle dit moi le chocolat. J'aime pas ça. Taïeb. Tu vois le lendemain. Avec notre marque. Ya Habibati, halalak. Elle dit, je te dis, j'aime pas le chocolat. Tu reviens le troisième jour. لكن نطمخ بالشوكولا يا حبيبتي هذه لك شوكولا سينار اسمه لا هذه اشتريتها في 3 mois je n'aime pas le chocolat tu te moques de moi va dire là tu te moques de moi là je te dis j'aime pas le chocolat je t'ai pas dit la marque ou pas la marque je n'aime pas le chocolat et tous les jours tu rends du chocolat je vais pas t'aimer comme ça tu vois si lui continue on appelle ça comment c'est pas de l'amour ça c'est peut-être que toi t'aimes le chocolat là voilà tu sais qu'elle va pas en vouloir c'est toi qui vas le manger je sais pas c'est quoi mais tu vas la faire fuir en faisant ça elle va détester au final lui se moque de moi lui lui j'aime au contraire désolé ça c'est pas de l'amour pour moi ça tu te moques de moi et ça finit en dispute ah ben. Enfin ça c'est une façon imagée dans notre quotidien donc on est-il dans l'ibada d'Allah Azza wa Jal bi tariqati sunnah ça mène à quoi à ça non wal faida de la deuxième riwaya du hadith quand il dit man amila amalan laysa li amruna fa warad celui qui fait un acte ne faisant pas partie de notre affaire c'est-à-dire législation cela est rejeté. Cette riwaya, elle est muhima jiddan, car elle réfute les gens qui disent l'innovation, c'est pas moi qui l'ai faite. Parce que la première version du hadith, on pourrait croire que le premier qui a lancé cette chose-là, c'est lui, le blâme, est sur lui. Lui dit, moi, c'est pas moi le premier qui l'ai fait. Moi, j'ai fait que faire ça, d'autres l'ont fait avant moi. On dit, ben, cette version-là, man amila, celui qui fait une œuvre, qu'il ait commencé ou qu'il ait terminé, il a fait cette œuvre-là, qui n'est pas de notre religion, elle est rejetée. Donc que tu sois le premier, le deuxième, ou le cinquième, ou le onzième dans la file d'attente, مهما كان فعملك مردود parce que les gens ils disent le mubtadi' c'est celui qui a lancé la bid'a et pas celui qui l'a su derrière on dit là à la batil هذا الحديث رد عليك là ils ont dit ça la règle mubtadi' c'est celui qui a lancé la bid'a le premier les autres c'est pas le mubtadi' on dit tous ils le sont ils ont qu'imat alim al hujja wa istamarru ala zalik si on aura fait la preuve on leur montre ce qu'ils font c'est pas bon ils ont continué tous ils sont concernés par le jugement du premier au dernier. Dans ces conditions, ben, aujourd'hui, il n'y a plus de Moubtadia. Pourquoi tu dis un tel Saint Khalidi ? Le premier, c'est Zuhwa Isera, qui a dit Yardilia Mohamed. Après lui, les autres, ce n'est pas des Khawaj. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est Ben-Nar, il n'a pas parlé de lui. Il a dit sortira des gérants, des reins de cet homme-là, des gens, dont vous allez mépriser vos salawat par rapport aux leurs, tellement sont des Roubad, votre Siyam par rapport au Siyam. Si jamais je vis, je les rattrape, je les combattrai. Et ces gens-là sont les chiens de l'enfer. Il n'a pas dit toi seulement, il a dit toi et ta descendance qui revient derrière toi. Ça prouve que tous ceux qui suivent par la suite sont concernés par le hukm. Donc cette règle, elle est bâtie là. Cette règle, on l'a entendu, des gens, ils ont dit cette règle-là. Naam. Tayyib. Kammalna hadha al-hadith, inshallah, sanatrouf al-hadith al-sadis. Biznillah ta'ala. Al-hadith al-sadis, sixième hadith. An Nu'man ibn Bashir. Radira anhumah. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات وفي رواية أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم selon Nu'man ibn Bashir que le halal ce qui est licite c'est clair ce qui est licite c'est clair et entre les deux il y a des choses qui sont ambiguës équivoques que la plupart des gens ne connaissent pas. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِ وَعِرْدِهِ donc celui qui s'est protégé des ambiguïtés, choses ambiguës, d'accord, il s'est préservé dans sa religion et dans son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ et celui qui par contre est tombé dans la shubuhat, la chose ambiguë, et il est tombé dans quoi? Dans le haram, dans l'illicite. كَالرَّاعِي يَرَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ comme l'exemple du berger qui fait paître son troupeau à une limite d'un champ qui lui est interdit. Il arrive à la limite du champ, il fait paître son troupeau ici. Il est sur le point de tomber dans ce champ interdit. وقال ألا وإن لكل ملك حما et n'est-ce pas que chaque roi a un terrain qui lui est interdit, qui lui est propre, un domaine qui lui est propre. ألا وإن حما الله محارمه n'est-ce pas que le domaine interdit d'Allah sont ces choses, ces interdits, c'est-à-dire les choses à ne pas enfreindre. Et ce que Allah Azza wa Jalla, c'est son hima à lui. Ala wa inna fil jasad mudra, iza salahat salaha al jasad kulluh, wa iza fasadat fasada al jasad kulluh. Ala wa hiya al qalb muttafaqun alayh. Il a dit, n'y a-t-il pas dans le corps un bout de chair, que si jamais il est vertueux, le reste du corps le sera. Et si jamais il est corrompu, perverti, le reste du corps le sera. Il s'agit de quoi? Du cœur. Donc ce hadith, il est هذا حديث عظيم كذلك في تعاليم كثيرة Donc Nu'man ibn Bashir, c'est un sahabi. Et son père également était un sahabi. Kilahuma sahabi. Donc il a rapporté ce hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna al-halal bayyin wa al-haram bayyin ». D'accord, donc le halal, c'est ce que la législation a défini comme étant halal. On a dit dans le hadith précédent, la base dans le halal, la base dans les choses de dunya, c'est qu'elles sont halal. Donc on n'a pas un texte qui dit ça c'est haram. Et le haram également, il est clair. Les textes nous disent par exemple, l'alcool c'est haram, manger du porc c'est haram, comme le haza et shirk c'est haram, d'accord, le mensonge c'est haram, zina c'est haram, tuer la vie sans droit, le meurtre c'est haram, on a des textes qui sont wadiha. Mais on a d'autres choses qui ne nous disent pas est-ce que ça c'est licite ou est-ce que ça ne l'est pas. C'est ambigu. On n'a pas de texte clair. On n'a pas de règle déduite des textes qui nous amène à pouvoir émettre un jugement wadih fi hadhihi mas'ala. Parce qu'il y a des choses, des fois on n'a pas de texte clair, mais on a une règle qui nous montre que cela, c'est interdit. Mathalan, la drogue. La drogue. Est-ce qu'on a un texte qui dit que telle drogue c'est interdit? On dit non. Lakin qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu muskirin haram. Tout ce qui est enivre est haram. La drogue, ça rentre dans quoi? Dans le muskir. La cigarette. Est-ce qu'on a un texte qui dit que le tabac c'est interdit? On n'en a pas précis. Mais on a le hadith qui dit la darar wa dirar. Pas de nuisance à toi-même ni aux autres. Donc tout ce qui nuit à la personne est interdit. La cigarette, ça nuit. Il y a unanimité des médecins qui disent fumer nuit à la santé. Voilà, il n'y a pas de trilef par rapport à ça. Donc, de là, on a des règles tirées de hadith qui nous emmènent à émettre des jugements sur les choses, même si on n'a pas de texte. Mais on a « Bard ashiyah ma'andana wala nas wala qa'idah tashmel hadil mas'ala ». On n'a pas. On ne sait pas, c'est ambigu. Il y a un khilaf entre les ulama. Certains disent « halal », d'autres qui disent « haram », d'autres qui disent « makrouh », tu ne sais plus trop. Et il dit bien « la ya'limuhunna kathir min al-nas », que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il n'a pas dit que personne ne sait. Il a dit beaucoup ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent. Et ça, ils savent par rapport à ça. Les awam, la plupart des gens, ou les toulèbes qui n'ont pas atteint un niveau d'ijtihad, ils ne savent pas. Il y a des toulèbes qui peuvent savoir, mais pas tous. Mais là, on parle, elle est l'ilm. Eux, ils savent. Ils vont te dire telle chose, elle est haram. Telle chose, elle est halal. Afalan. Mais la plupart des gens ne savent pas. Quand même, bien savoir, bien comprendre, ne pas dire personne ne sait. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il explique par rapport à ce Adam Idrak fi Adil Masala, min al-asbab allati yamna' al-insan an ya'lam hal hadha halal wa hadha haram, c'est chose ambiguë, mutashabihat, c'est quoi les causes? Zakara arba'a asbab. Al-awwal, qillat al-ilm. Peu de science. Peu de science, ce qui revient à ce qu'on disait, ça. Tout ce qui n'est pas alim ou min al ilm. Thani, killat al-fahm. T'as une compréhension qui est erronée, tu comprends pas bien les choses. T'as des gens comme ça, ils peuvent avoir plein de mahfouzat, plein d'ahadith, le Coran par Kamutkin, mais il ne comprend pas bien les choses. Tu lui donnes un hadith, il sort un hukm qui n'a rien à voir. Il prend un dalil, un stilel qui fait réellement odiri. Le dalil est là, mais il le place en contexte. Donc il a killat al-fahm. وكذلك فيه القصور في طلب معرفة الحكم. Que tu n'as pas fait assez d'efforts pour connaître la chose. Tu as fait un barf vite fait, rapide. Vite fait, tu as cherché comme ça et tu n'as pas su. On dit زيد البحث لعلك تجد. والرابع هو سوء القصد. Quelqu'un qui a une mauvaise compréhension, qui a une mauvaise intention. Lui, il ne veut pas le bien. Comme quand le Ta'ala. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, ils cherchent les choses ambiguës, équivoques, pour la fitna, d'accord, ou pour rechercher une interprétation qui va dans leur sens à eux, parce que eux ils veulent. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Aisha, idha ra'aita haula yattabi'una al-mutashabihat fa hum alladhina samahum Allah fahdharhum. Tu vois, les gens qui cherchent des choses ambiguës comme ça, sache que ce sont ceux-là que Allah a nommés dans son verset, on prend garde à eux. T'as des gens, ils cherchent. Tu vois. C'est une chose qui est halal, ou plutôt le contraire. Généralement, c'est haram, ils cherchent une brèche pour que ce soit halal. Ils veulent faire la chose. On dit ça, c'est haram. Non, mais khilaf, non, mais tu vois, yabhaf. il cherche. On dit, akhi, c'est haram. Va chercher un cours qui chasse, marginal, d'un alim. Regarde, Cheikh Antel, il dit ça. Les Cheikh Antel, les ulama, ils ont montré qu'il s'est trompé là-dessus. Il y a eu des redoutes. Wadiha. Le col, il est batil. Et qu'est-ce qu'il va te faire, lui? Il va ouvrir quoi? La porte du fir khilaf. Fir khilaf. Il y a une divergence. Voilà, une divergence. Donc, tant qu'une divergence, un artan, à la yuna, c'est bonnet. Donc, comme il y a divergence, je choisis la chose qui me convient. On dit, al khilaf, ma wakaza. Al khilaf, yakun al aqsam. Divergence. Al aqsam, ta khilaf al afham. Divergence de compréhension. Sur le même texte. Certains le comprennent comme ça, et d'autres comme ça. Ta khilaf al tanawwu. Yani, c'est un khilaf qui montre que même un même acte, tu peux le faire de différentes façons. Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait ala hada kada, tara, wa tara ukhra fait ala kada. Tel acte, il l'a fait de telle façon une fois, une autre fois de telle façon. Par exemple, al nawafil et la rawatib, comme le dhuhr. Ja hadith arba'an, arba'an, wa ja hadith snatan. Les hadiths sont venus qu'il l'a fait 4 raka'at avant le dhuhr, 2-2. D'autres qui disent qu'il ne l'a fait que 2. Kullu sunnah. Donc là, c'est un khilaf, t'en as quoi? Des fois, tu fais ça, des fois, tu fais ça. Ou le khilaf, alladhi la yukbal fihi. Al khilaf. C'est khilaf tazad. Lorsque tu t'opposes à un dalil, wadih. T'as un texte qui est wadih, c'est une mas'ala. T'as des règles qui sont là que tu connais. Et malgré cela, tu t'opposes à cela pour arriver à une chose qui s'oppose au hadith sans que tu n'aies pour cela de ta'wil ou tu aies d'autres hadiths qui t'amènent à penser, ou d'autres ayats qui t'amènent à avoir cela. Et c'est là qu'il y a un problème. D'accord ? C'est là qu'il y a un problème. Et des fois, l'alim, il est ma'zour. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'tahada al-hakim, fa'asab falou ajran, ou in akhta falou ajr wahid. Le juge, s'il fait un ijtihad sur le mas'ala et qu'il voit juste, il a deux récompenses. S'il se trompe, il a une seule récompense. Mais là, on parle du juge qui cherche la vérité, qui fait un effort avec les éléments qu'il a lui. Il y a eu plein de masaïl dans le mardi, qu'il y a eu beaucoup d'ulama, beaucoup d'ahadiths, même les sahaba. Les gens qui n'ont pas su, que d'autres ont su. Ils ont fait un hukm sur le mas'ala. D'autres sahaba ont dit là, le col de tel sahabi n'est pas correct, parce qu'en réalité, ce hadith-là, il n'a pas connu. Moi, je l'ai su, moi. Comme un yokol, man alima kudja ala man la ya'lam. Celui qui a su est un argument, celui qui n'a pas su. Donc, si on te met la preuve que telle fatwa est fausse à cause de tel dalil, ou tel hadith, il est inauthentique, ou kaza, toi, tu discutes plus à ce moment-là. Mais t'as des gens, ils cherchent. Donc, pour revenir au hadith, yaqul, faman ittaqa shubuhat, istabara lidini wa ibdi. Que celui qui craint les choses ambiguës, ça veut dire qu'il les évite, d'accord, qu'il les évite, il s'est préservé dans sa religion et dans son honneur. Donc toi, les choses ambiguës, tu ne sais pas. Ma wal adab, tajtanib. Hatta ta'alam. Hatta ta'alam. Quand t'as-el aliman yakullaka, yajouz. Bid-dalil. Khalas, tafail. Ou quand t'as-el aliman yakullaka, haram. Hatta truku bil-kulliya. D'accord. Une chose, tu ne sais pas c'est quoi le hukm. T'as aucun élément qui t'amène à savoir est-ce que ça je peux le faire ou pas. Qu'est-ce que tu fais? T'as tawakkaf. Tu ne le fais pas. Alors justement, al-wara. Al-wara, la retenue. Al-wara, wa tark ma kad yadurru fil akhirah. C'est le fait de délaisser une chose qui va te nuire dans l'au-delà. C'est-à-dire là, tu la vois devant toi comme étant plausible. La abaisse abiha. La kilnum al-qiyama, yatadurruk. La même yatadurruk. Donc toi, tu fais quoi à ce moment-là? Même une masala, il y a un khilaf kawi entre des ulama. Tu n'arrives pas à savoir qui a raison. Et je t'affaille. Ihtiyatan al-wara. Tu délaisses. Un alim te dit, hada yajouz, wa dalil kaza wa kaza, wa sani akul haram, wa dalil kaza wa kaza. Et toi, les deux coups, ils sont mortabara. Tu vois, c'est fort. Et en même temps, t'es pas moutma'in. Tu fais quoi? Tu fais pas. Sans dire c'est halal, c'est haram, tu dis, moi, je ne fais pas. Tawakkaf. Hada wal wara. Hada wal wara. Et en faisant ça, tu préserves quoi ton honneur? Lienna dja, an ma'al salaf, qu'a l'aiman waqa'a fi mahal, ma yusa'abi yadhan. Il est aussi habillé dans un fouen, fala yalumunna ahadan. Que quelqu'un qui vient, qui tombe dans une chose, équivoque, ambiguë, qui amène à ce qu'on pense du mal de lui,

pourquoi est-ce que tu as fait une chose sans savoir? Tu n'aurais pas dû le faire. Même si elle est halal, toi tu l'as faite, on sache qu'on ne sait pas le jugement, donc tu as fait du haram. Ça c'est un call. Deuxième call, que ce que tu fais là, ça va t'amener à tomber dans le haram. Là tu as pris une voie qui va t'amener à tomber quoi? Dans le haram. Comme l'exemple d'après de ce berger qui fait perdre son troupeau près d'un domaine interdit. Ça va l'amener à quoi? Il y a toujours un bouton qui va se sauver, qui va prendre le domaine interdit. Donc on dit, Aish tafalanta, jallaka haddan bainak wa bain al haram. Ou min al wara, anta jal bainak wa bain al haram masafa. Le haram il est là-bas. Et entre le haram et le halal, tu as une barrière. On dit, éloigne-toi. Tout ça c'est halal, laisse-le. Éloigne-toi. Tant que tu n'as pas une haja ou une darura, éloigne-toi. Reste loin de ça. Pourquoi? Pour laisser une distance. C'est une protection. Même c'est une protection. Car tu as des gens, ils font des choses à la limite. Ils disent c'est halal. On dit non, mais à un pas, tu tombes dans le haram. Donc évite cette chose-là, elle est juste halal, elle n'est pas obligatoire, ni rien. Laisse-la. Préserve ta religion et ton honneur. Laisse-la. En plus, aux yeux de tous. Laisse-la. Tu vois? Laisse-la. Hada wa al-wara. Et le wara, ce n'est pas te donner à tout le monde. في الحديث يقول ألا وأن حمى الله لكل ملك حمى que chaque roi a un domaine interdit qui lui est propre que tu n'as pas le droit d'enfreindre et de rentrer فقال ألا أن حمى الله محارمه justement que maintenant le حمى d'Allah l'exemple qu'il donnait de ce troupeau qui allait sur un terrain interdit il dit ben, le حمى d'Allah son domaine interdit c'est tout ce qu'il a rendu interdit ce qui est haram donc éloigne-toi de ça toi et ceux qui sont à ta charge. Et un tal mas'oul, parce que le troupeau, si le mouton il va sur le terrain interdit, est-ce que le mouton il a fait quelque chose? C'est un animal. Qui va prendre le blâme? C'est le berger. C'est pas le mouton. Bah, ton enfant c'est pareil. Que ce soit un djawa ou autre, ton enfant va faire une chose, c'est que c'est interdit. Il va tomber dans l'interdit par ta négligence à toi. On dit ton enfant, tiens-le. Si jamais il fait ça, il va faire ta chose. Comme les masahif, tu laisses le masahif par terre. Avec des enfants petits en âge. L'enfant va marcher sur le mosaf. Il va uriner dessus. C'est qui le fautif à ce moment-là? C'est toi. Le mosaf, tu l'as vu par terre ou bas à sa portée de main. L'enfant, tu sais qu'il n'est pas, aquil. Il va faire n'importe quoi. Il peut le déchirer. Ou il peut le mettre à la poubelle. Il peut peut-être même dans le hammam, dans les toilettes. C'est un enfant. Je ne sais pas d'un enfant petit, genre 5, tu vois, à Kada. Le mosaf, prends-le, lève-le. Mets-le haut. Là, il ne pourra pas l'attraper. Que si demain, l'enfant, il a déchiré le mosaf, tu pourras le réprimander, mais le fautif, c'est qui? C'est toi. C'est toi le fautif. Car tu laisses ton troupeau à la limite du haram. Et tu le savais. Adam. Donc, Hima Allah maharimuhu. Hima Allah maharimuhu. Donc toi, attention à cela. Laisse une barrière entre toi et le haram de halal. Toujours tant que tu peux. Thumma qala, ala wa inna fil jasad mudra. Iza salahat, salah al jasad kulluh. Et donc là, il revient à quoi à la fin du hadith? Qu'il y a dans le corps un bout de chair qui, si jamais il est vertueux, le reste du corps le sera. Et si jamais il est perverti, le reste du corps le sera et c'est le cœur. C'est-à-dire que le cœur gère le corps. Si ton cœur il est malade, ça va se voir sur tes actes. Comme celui justement qui n'a pas de wara. Il cherche les choses ambiguës. Car dans son cœur, à la base, ça commence d'où? C'est quoi le bih? Comme dans le verset. Dans leur cœur, ils ont une déviance. Ils cherchent quoi? Les versets équivoques. Ils cherchent comme ça. Trouver une fatwa qui le correspond, ou un col qui confirme sa bida, ils cherchent. Quitte à, comme on dit, à remuer les terres. Comme ceux qui font, qui trouvent des fatwas pour te dire que le voile, c'est pas obligatoire. Que dans le Coran, il n'y a pas de verset qui parle du voile, comme on l'entend. Que on peut sauter la fête au koufar, que ce sont nos frères. On cherchait des choses. À la base, c'est quoi leur problème? Ah, d'accord. Donc, le reste, les paroles à suivre. Qu'est-ce qu'il va dire ces paroles? Il va dire des mensonges. Il va faire quoi avec ses actes? Il va faire du haram. Car à la base, son cœur, il est malade. Son cœur, il est malade. Ou à la rod, à la banne, yakoul, c'est quoi, c'est dans le cœur? On dit, naam, awwalan. Mais, tes actes vont, comment dire, dévoiler une partie de ton cœur. Car le kouloub, on ne les connaît pas, nous, ce qu'il y a dedans. Allah faqat ya'lam ma fi qulub. Lakin tes actes sont comme, on va dire, des soldats qui te montrent, mathalan, le plan du général. Le général, il a fait un plan avec les soldats.